quel innocent dans l'humanité a dit que l'avenir, c'était de nos enfants et de nos étudiants? Imagine-toi, dans 20 ans, comment on va être barbassé parce que ça gagne de manger barbe.